السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous entamons le troisième cours portant sur les règles du mariage en islam. Nous allons commencer par l'étude des piliers du mariage. فما هي أركان الزواج؟ Donc voyons quels sont les piliers du mariage. Quelles sont les parties composantes du mariage? Pour qu'il y ait un mariage, il faut premièrement الزوجين. Il faut premièrement الزوجان. Il faut un homme et une femme, l'époux et l'épouse. Et il faut également al-ijab ou al-qaboul, la demande et l'acceptation. Ou bien le wali mari, sa fille ou celle dont il a la responsabilité, et l'homme accepte. Ou encore l'homme, le prétendant, demande la main au responsable de la femme et ce dernier la lui marie. Donc il faut al-zawjan, il faut l'époux, il faut l'épouse, il faut la demande et l'acceptation. Il faut que le père ou le wali, le responsable de la femme, prononce une phrase explicite. Prononce une phrase explicite qui montre qu'il accorde cette fille précisément en mariage à cet homme. Précisément. Comment est-ce que se déroule le mariage? Comment est-ce que se déroule le mariage? Il faut absolument ce qu'on appelle rida et tarafay, l'agrément des deux parties. C'est-à-dire que l'homme soit d'accord pour épouser cette femme et que la femme soit d'accord pour être épousée par tel homme. Car en islam, on ne peut contraindre un homme à épouser une femme contre son gré. Tout comme on ne peut contraindre une femme à être épousée par un homme contre son gré. Dans le cas étant, le mariage ne serait pas valable. Dans le cas étant, le mariage ne serait pas valable. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième condition, idnul wali, la permission du responsable de la femme. À la base, c'est son père. À la base, c'est son père. Soit il assiste à la célébration du mariage et de vive voix, il donne sa permission et lui-même fait le mariage. Soit il délègue. Il charge, par exemple, son frère, qui sera donc l'oncle de la mariée, de faire le mariage en son nom. Il fait le mariage en son nom. Donc, yuakkilu. La troisième condition, shahida adl. Il faut deux témoins fiables. Il faut deux témoins fiables. Et la dernière condition, al-ittifaq ala mahar, qu'ils se mettent d'accord sur la dot, c'est-à-dire un présent que l'homme va offrir à la femme, un droit de la femme sur l'époux qui la demande en mariage. Il lui donne un présent, il lui offre quelque chose, il lui donne une chose, quelle que soit sa valeur. Quelle que soit sa valeur. Il n'y a pas de minimum, tout comme il n'y a pas de maximum. Et ça peut être une chose palpable, ça peut être de l'argent, des bijoux, mais ça peut être également une chose, ça peut être un voyage, ça peut aussi être un voyage, ça peut être par exemple une amra, ça peut être un pèlerinage, ça peut être un voyage touristique. ou autre, toute chose ayant une valeur, toute chose ayant une valeur, aussi minime soit-elle, ça entre dans al-mahr. Al-mahr, al-sadaq, tous ces termes-là désignent la dot, c'est-à-dire ce que l'homme offre à la femme pour le mari. C'est son droit. Et de plein gré, elle peut accorder une partie de sa dot à qui elle le voudra, comme ses parents, ses proches ou autres. Quelle est la formulation du mariage? Quelle est la formulation du mariage? Que va dire le père pour marier sa fille? Que va dire le père pour marier sa fille? Donc revenons à Al-Ijab ou Al-Qaboul. Il dira toute phrase explicite mentionnant qu'il marie sa fille à tel homme. Toute phrase explicite. Certains parmi les fuqaha ont désigné une ou deux phrases et ont dit qu'il fallait absolument mentionner l'une des deux pour que ce soit valable. Mais l'avis prépondérant chez les savants, comme l'a mentionné Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, est que c'est plus vaste que cela. C'est plutôt toute phrase explicite mentionnant que le responsable marie sa fille à un homme. Et ça doit être une fille en particulier, comme on l'expliquera, à un homme en particulier. Il ne dira pas, par exemple, je marie une de mes filles. Non. S'il y en a plusieurs, il mentionnera, par exemple, son prénom. Il mentionnera son prénom. Naam, donc c'est une fille en particulier. En particulier. Des exemples de formulation. L'homme, le prétendant dit au wali, Zawijni bintaka fatimata. L'homme s'adresse au père et lui dit, marie-moi ta fille Fatima. Et l'homme lui répond, Zawajtuka binti Fatima. Je te marie ma fille Fatima. Ça, c'est un exemple de formulation. C'est un exemple de formulation. Et Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit certaines personnes lors de la formulation ajoutent ala sunnatillahi wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils disent zawijni bintaka fatimata ala sunnatillahi wa rasuli, et le père répond zawajtuka binti fatimata ala sunnatillahi wa rasuli. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit cet ajout n'est pas nécessaire. Parce que ce que fait le musulman, il le fait sur ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Il le fait sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la base du musulman. Il n'y a donc pas de nécessité à mentionner cela lors du mariage, lors de la demande et de l'acceptation. Lorsque le père aura dit à cet homme-là, « Zawajtuka binti Fatima, je te marie ma fille Fatima », donc ils se sont mis d'accord sur la date, on a mentionné qu'il y avait deux témoins. Le prétendant répondra à la fin, « Qabiltu, j'accepte ». Une fois qu'il aura dit « j'accepte », le mariage sera effectif. Donc, ce jeune homme ou cet homme, Naam, a demandé la fille de cet homme-là. Il lui a marié sa fille et cet homme à nouveau a accepté. Voici très simplement le déroulement du mariage. Voici très simplement le déroulement du mariage. L'homme répond à la fin, Qabiltu, j'accepte. Ou il développe, Qabiltuha, zawjan li, ou zawjatan li, je l'accepte en tant qu'épouse. Je l'accepte en tant qu'épouse. Et lorsqu'il dit Qabiltu, Naam, c'est ce qui est voulu et sous-entendu. La sunna, lors du mariage, est de mentionner khutbatul haja, c'est-à-dire Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ça, c'est ce qu'on appelle khutbatul hajj, la sunna lors du mariage, et de mentionner ce. Il reconnaît que toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Il le loue. Il recherche l'aide auprès de lui et cherche protection contre le méfait de ses actions et de son âme. Jusqu'à la fin, et vous lirez, inshallah, la traduction. Dans les affaires importantes, le prophète, alayhi salatu wassalam, mentionnait ça. Et parmi les plus grandes affaires qui touchent l'homme et la femme et leurs proches, il y a al-nikah, il y a le mariage. Une autre sunna lors du mariage, dhikrul mahar, la mention de la dot, le fait de faire savoir aux gens présents quelle dot a donné tel homme ou donnera tel homme pour épouser telle femme. La sunna lors ce que le mariage, dès lors que le mariage est célébré, est d'invoquer en faveur des époux en ces termes: Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. La sunna lorsque le mariage a été célébré, c'est de s'adresser à l'époux et de lui dire: Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma khayr bi khayr. Tu invoques Allah Azza wa Jalla en faveur et tu demandes à ce qu'Allah bénisse cette union, qu'il les bénisse eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il leur mette beaucoup de bien et de bonheur. Dans quelle langue devra avoir lieu la célébration du mariage, la demande, l'acceptation? Dans la langue parlée et comprise par l'époux, par le wali, le responsable et les témoins. Donc ceux qui assistent au mariage doivent comprendre les termes mentionnés. En arabe, c'est le mieux sans aucun doute, mais à supposer qu'ils ne parlent pas l'arabe et ne le comprennent pas. Est-ce qu'ils peuvent célébrer et prononcer cela dans une autre langue, en français par exemple, ou en soninké? Ibn Athim rahimahullah ta'ala dit qu'on le célèbre dans la langue que ces gens-là comprendront. Et ça n'est pas une condition que ce soit en langue arabe. Mais sachez également que si on leur traduit, on leur explique, on peut aussi leur dicter en langue arabe. On peut leur expliquer dans leur langue, puis leur dicter en arabe, ainsi ils prononceront ce qu'ils comprennent. Ibn Athim rahimahullah ta'ala dit également que la vie prépondérante est de ne pas restreindre les termes du mariage. C'est-à-dire qu'on peut dire zawajtuk, ankahtuk, a'taytuk, et toute phrase de laquelle on comprendra qu'il marie sa fille à un temps, qu'il lui accorde la main de sa fille pour le mariage. Et ça revient aux habitudes des gens de cette contrée ou de ce pays ou de ce village. Et ça, c'est une règle pour le mariage, mais également pour les autres contrats. Que ce soit la vente, que ce soit la location, que ce soit le mariage. Si c'est prononcé selon ce qui est connu dans cet endroit-là, même si ça n'est pas en termes du Coran, même si ça n'est pas en arabe, Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit « Jami'ul uqud tan'aqidu bima dalla 'alayha 'urfan » L'ensemble des contrats deviennent effectifs dès lors qu'ils sont contractés selon ce qui est connu chez les gens. Tu peux aller dans le nord et la phrase connue est telle phrase, et tu peux aller dans le sud et c'est une toute autre phrase. Tant que les gens de cette contrée s'entendent sur cela et c'est connu auprès d'eux, alors c'est valable si ça ne vient pas à l'encontre de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit que ceci est l'avis prépondérant et l'avis choisi également par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Si le père dit à l'homme, Zawajtuka, je te marie, Binti Fatima, ma fille Fatima, sur la dot qu'on veut, et que le prétendant tarde à répondre, et que une heure plus tard il lui dit, Qabiltuha Zawjan li, je l'accepte en mariage. Est-ce que c'est valable ou pas? Qui répond à cette question? Je répète la question. Le père accorde la main de sa fille. Il lui dit, je te marie ma fille une telle sur la dot convenue. Mais l'homme ne répond pas directement. Il tarde à répondre. Ils sont dans le salon ou ils sont dans tel ou tel autre endroit. Et une heure après seulement, ou deux heures après seulement, il répond « Abiltu, j'accepte ». Est-ce que c'est valable ou pas? C'est valable. Même si ça dure, ça, il y a trois heures d'attente. C'est valable. Qui a un autre? Qaoul. Pas valable. Non. C'est moi qui pose les questions ici. Tu as une réponse? Non. C'est pas valable? D'accord, je vous pose une autre question, ensuite on revient à la première. Il lui dit, je te marie ma fille Fatima sur la dot qu'on veut. Et le prétendant ne répond pas. Il sort. Naam. Il sort, 10 minutes. Ensuite, il revient et dit, Qabiltu, j'accepte. Est-ce que c'est valable? Pas 3 heures, pas 1 heure, 10 minutes. Comment? La durée ne change pas le jugement. Donc c'est valable. Pour que ce soit valable, on conditionne qu'il lui propose et que lui accepte dans la même assise. Wa in qala al-mukth, même si ça dure longtemps. Par contre, s'il se sépare, il faudra réitérer soit la demande, soit la proposition, et donc l'acceptation. Donc, c'est pas en regardant le nombre d'heures ou de minutes. Mais c'est, est-ce qu'il y a eu la demande et l'acceptation dans la même assise, sans séparation ou non? Est-ce que c'est compris? Donc s'il lui propose sa fille et que lui accepte, alors qu'ils ont été dans la même assise et qu'ils ne se sont pas séparés, c'est valable même si ça dure un long moment. Mais dans le cas où il y a eu séparation, C'est-à-dire que le prétendant, par exemple, est parti et est revenu, ou il lui a dit « je te réponds plus tard » et ainsi de suite. Là, il faudra refaire la demande et l'acceptation, et la proposition et l'acceptation. Je répète, Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit, s'il lui propose sa fille, et que dans la même assise il accepte, alors c'est valable tant qu'il ne se sépare pas. Tant qu'il ne se sépare pas. Deuxième condition, et tant qu'ils n'ont pas été distraits de cela, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés à autre chose. Imaginez qu'il parle de mariage, il lui propose sa fille, lui ne répond pas. Et entre-temps, il change de sujet et il parle d'autre chose jusqu'à délaisser ce sujet. Au bout d'une heure, alors qu'ils ont passé en revue deux, trois sujets, lui subitement dit, soudainement dit, « Habilt, j'accepte. » Là, on ne sait même plus de quoi il s'agit. Là, ça ne sera pas mal. Ça ne sera pas mal. Donc, il faut qu'il soit dans la même assise, qu'il ne se soit pas séparé, et que le sujet n'ait pas été interrompu au point d'en avoir été distrait. Maintenant que ceci est compris, je vous repose la question dans un autre cas de figure. À la prière du Dhuhr, il lui dit, je te marie ma fille une telle sur la dot qu'on veut. Lui rentre chez lui et revient à la prière du Asr, il le trouve et lui dit Qabilt. À la prière du Asr, il le trouve et lui dit Qabilt. Est-ce que c'est valable? Ça n'est pas valable parce qu'ils se sont séparés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus se marier, mais ils doivent refaire la demande et l'acceptation, la proposition et l'acceptation. Quelle est la différence entre la demande et l'acceptation et la proposition et l'acceptation? C'est quoi la différence entre ces deux cas de figure? Non. La demande, c'est l'homme. Le prétendant, il demande la main au père. Marie-moi ta fille une telle. Et le deuxième cas, la proposition, c'est le père. Il vient trouver l'homme, il lui dit, je te marie ma fille une telle. D'accord? Et tout cela a eu lieu. Tout cela a eu lieu au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et après l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et tout cela est valable et bon. Et n'est pas blâmable. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est le père de quelle célèbre épouse du prophète alayhi salatu wassalam? Hafsa radiallahu anha, n'est-ce pas? Omar ibn al-Khattab est parti voir Abu Bakr et il lui a dit, je te marie ma fille Hafsa. Il a refusé. Ou ne lui a pas répondu. Puis il est parti voir Othman. Et tous deux se sont abstenus de parler parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait mentionné. Ni ils ont voulu dévoiler ce qu'allait faire le prophète alayhi salatu wassalam, ni ils n'ont voulu blesser Omar. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé ça. Et Omar l'a marié. Abu Bakr et Othman ont informé alors Omar radiallahu anhu que rien ne les a empêchés d'accepter, si ce n'est qu'ils avaient entendu le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné. Et ils ne voulaient pas dévoiler des intentions du prophète alayhi salatu wassalam. Une autre condition pour que ce soit valable, il faut qu'on spécifie la femme et qu'on ne puisse supposer une autre, que ce soit une autre. La budda an takuna mu'ayyana. Il faut absolument que ce soit une femme précisément. Si le père dit zawajtuka bintan li, je te marie une de mes filles, est-ce que c'est valable? Non. Parce qu'on peut supposer que ce soit celle-ci, mais aussi l'autre. Il faut absolument que ce soit une femme en particulier, et qu'on ne puisse supposer que c'est une autre en dehors de celle-ci. S'il dit, Zawajtuka binti Asiya. Je te marie ma fille Asiya. Est-ce que c'est valable? Ou non? Je répète la question. Le père dit au prétendant, Zawajtuka binti Asiya. Je te marie ma fille Asiya. Asiya était l'épouse de qui? Imra'at Man. Hein? Fir'aoun. Asiya, c'est Imra'at Fir'aoun. Elle était croyante ou non? C'est une des meilleures croyantes que la terre ait portée. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit, parmi les hommes, beaucoup ont atteint la plénitude ou se sont approchés de la perfection. Mais parmi les femmes, que quatre. Et parmi les quatre, il a cité Asiya. Donc c'est un bon nom à donner aux filles. L'homme dit au prétendant, le wali dit au prétendant, Zawestuka binti Asiya. Est-ce que là c'est valable ou pas? Est-ce qu'il a déterminé la fille? C'est valable ou pas? Oui? Oui. Donc là, du côté de là, du wali, la formulation est bonne. Du côté du wali, la formulation est bonne. Le prétendant répond, Kabil Tuha, ou Kabil. Là aussi, du côté du prétendant, c'est bon. Un autre cas de figure, le père lui dit, Zawajtuka binti Asiya. Et le prétendant dit, Kabiltu bintaka Ruqayya. J'accepte le mariage avec ta fille Ruqayya. Est-ce que c'est valable? Là, c'est pas valable. Parce que le père vise une en particulier et le prétendant vise une autre en particulier. Là, ça n'est pas valable. Là, ça n'est pas valable. À l'inverse, maintenant, le prétendant dit au père, Zawijni bintak Ruqayya. Marie-moi ta fille Ruqayya. Et le père répond, le wali répond, Zawajtuka binti Asiya. Est-ce que c'est valable? Ici non plus, ça n'est pas vrai. Donc, retournez cette condition. Il faut que la fille soit désignée. Il faut que la fille soit désignée et qu'on ne puisse supposer une autre en dehors de celle-ci. Parmi les filles de cet homme. Dans le cas où lui a rencontré Ruqayya et qu'il souhaite Ruqayya, mais qu'il ne sait pas qu'elle s'appelle Ruqayya, il la demande en mariage. Et le père lui marie une autre. Et lui, il accepte en pensant que c'est Ruqayya. Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'elle sera son épouse ou pas? Non. Il faut absolument qu'il s'entende sur la personne et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans cela. Vous retenez cela. Il faut absolument qu'il s'entende sur la personne, qu'il sache de part et d'autre de qui il s'agit et qu'il s'entende et s'accorde sur cela. Une autre question difficile. L'homme lui dit, Zawijni bintak Aïcha. Marie-moi ta fille Aïcha. Et le père répond, Zawajtuka binti Aïcha. Et lui dit, Kabilt. Est-ce que c'est valable? Est-ce que la femme a été spécifiée? Il n'y a aucune ambiguïté et c'est valable. Ou ça n'est pas valable? Qui répond? Non. C'est valable? T'es sûr à 100%? Comment? Est-ce que je peux répéter? T'as déjà répondu, pourquoi tu veux que je répète? La parole, quand elle sort de la bouche, elle n'est plus en possession de son maître. Tant qu'elle est encore dans la bouche, on en est le maître. Et dès qu'elle sort, c'est elle qui nous maîtrise. La question est simple. Le père dit, je te marie ma fille Fatima. Ou j'ai dit Aïcha. Et le prétendant dit, j'accepte le mariage avec ta fille Aïcha. Est-ce que c'est valable? Tu dis oui. Tu es sûr à 100%? Comment? D'accord, il a dit j'accepte le mariage avec ta fille Fatima, Aïcha. Donc c'est valable. Toutes les conditions. Là, on est juste dans la demande et l'acceptation. Est-ce que ça, c'est valable? Vous êtes sûr à 100%? Vous êtes tous d'accord? Allahu Akbar. Allahi darouk. Moi, je vous dis, c'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il a deux filles qui se prénomment Aïcha. D'une femme, d'une première, il a eu un enfant, il l'a appelé Aïcha. D'une autre femme, il a eu un enfant, il l'a appelé également Aïcha. Est-ce que dans ce cas, c'est valable ou pas? C'est pas valable. Il doit dire laquelle des deux Aïcha. Est-ce que c'est compris? Dans ce cas de figure, du fait qu'il a plus d'une fille qui se prénomme Aïcha, alors c'est pas suffisant. Il devra la préciser. Est-ce que c'est compris? Le but étant de spécifier une personne et qu'on ne puisse supposer une autre. S'il y en a une qui a 25 ans et une autre qui a 20 ans, il devra dire son âge. Naam. Voici pour cette mas'ala. Un autre point. On conditionne qu'il ait la raison. On conditionne qu'il ait toute sa tête. Qu'il ait la raison. Tant le prétendant que le wali. Tant le prétendant que le wali. Si le prétendant demande la main et qu'il a sa raison, et que le wali accepte et qu'il a sa raison, le mariage est valable. D'accord? Mais dans le cas où le prétendant demande la fille, le père lui répond, je te marie ma fille une telle, et que lui perd la raison. Est-ce que le mariage est valable? Non. Dans le cas où plus tard il retrouve la raison, il dit qabil, j'accepte. Est-ce que c'est valable? Non plus. Donc on conditionne qu'ils aient la raison. Et qu'ils répondent en ayant la raison. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre sa réponse et le fait d'avoir perdu la raison. Est-ce qu'on peut imaginer que le prétendant perde la raison? C'est possible ou pas? C'est possible. Il aime éperdument une femme. Et les probabilités d'acceptation du père sont infiniment minimes. D'accord? Et depuis petit, il veut cette femme-là. Il fait du'a. Il fait qiyamul layl. Il fait du'a en sujoud. Il fait l'istighfar. Il fait des sadaqat, il fait du'a. Il est bien avec ses parents, il fait du'a. Il fait toutes les causes pour faire pencher la langue du père. Hein? Et c'est Allah Azza wa Jalla qui dirige. Il se peut que le père dise, jamais tant que je suis vivant, il mariera ma femme. Et que le père, Allah Azza wa Jalla, tourne son cœur et le père, c'est lui qui vient voir le prétendant, il lui marie sa femme. Donc là, il vient, il demande la fille. Le père lui dit, Zawajtuka binti Fatima. Et il est tellement heureux qu'il perd la raison. Tellement qu'il est heureux, il perd la raison. Plus tard, il revient, il dit, Kabiltu. On dit, c'est pas valable. Non. Ça n'est pas valable. Il faut qu'il ait la raison au moment où il répond et qu'il n'y ait pas eu cette interruption entre l'acceptation et la demande. Une autre question dans le cas où le wali est muet, le prétendant et muet. Comment se fera la demande et l'acceptation? Est-ce que c'est un cas de figure possible ou non? Tout à fait possible. Tout à fait possible. Non? Donc, comment est-ce qu'ils vont faire le mariage? Comment? Par écrit? Par exemple, par écrit. Ou avec un ishara, avec des signes. Par exemple, il acceptera en faisant un geste de la tête pour dire oui. Il acceptera en faisant un geste de la tête pour dire oui. Ou s'ils parlent la langue des signes entre eux. Le wali, père de la fille, le prétendant et les témoins. Si tous ces gens-là parlent la langue des signes et qu'ils communiquent ainsi, c'est valable. Communiquer ainsi, c'est valable. Donc, ça doit être avec des gestes compris. Du wali, du prétendant et des deux témoins. Ou ça peut être à l'écrit. Ou ça peut être à l'écrit. Mais il faut absolument que ces quatre personnes-là, le wali, le prétendant et les deux témoins, se comprennent. Il se peut que les deux témoins ne soient pas muets, mais qu'ils comprennent par exemple la langue des signes. Ou bien qu'ils sachent lire. Quoi qu'il en soit, il faut que les quatre se comprennent. Il faut que les quatre se comprennent. Se comprennent. Il y a ce qu'on appelle shurutu al-nikah wa al-zawaj, les conditions du mariage. Ça, c'est ce que le législateur, ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, on ne peut pas les enlever. Par exemple, l'acceptation de l'homme, de la femme, l'agrément du responsable, la dot. Ça, ce sont des conditions que le din a mis. Et il y a ce qu'on appelle shurutun fi nikah, des conditions que le prétendant va mettre dans le mariage, ou que la femme va mettre dans le mariage. Par exemple, j'accepte le mariage, mais je conditionne de vivre dans le pays de, dans mon pays d'origine, et de ne pas, me séparer de cette maison. Par exemple. Ça, c'est pas une condition du mariage, c'est une condition fixée ou mise dans le mariage. Voilà. Ça, ce sont les gens, et c'est modifiable. Il y a des conditions qui sont acceptées, des conditions qui ne sont pas, qui ne le sont pas. Les conditions du mariage, parmi les conditions du mariage, il y a le fait de spécifier les époux. Le fait de spécifier les époux. Avec tout ce qui peut spécifier. Nous, on a cité l'exemple du prénom. Mais il y a d'autres cas. Si le père dit, par exemple, Zawajtuka binti al-kubra. Je te marie ma fille aînée. Est-ce que c'est valable? Ou non? Il n'a pas cité son prénom. Il lui dit Zawajtuka binti al-kubra. Est-ce que là c'est bon ou pas? Comment? J'entends pas. Ça peut pas être bon? Ça n'est pas bon? Qui a un autre avis? Toi, t'as quel âge? T'as quel âge? 7 ans? Et tu veux répondre à ces questions? Allah m'abarak, réponds. C'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable, Ibn Sab'i Sinin? Parce que, si, c'est valable, le jeune homme. C'est valable. Non, on en reparlera à tes 15 ans. Inch'Allah. C'est valable. Pourquoi? C'est quoi le but de mentionner le prénom? C'est ta'yinouha, c'est de la spécifier. Et qu'on ne puisse supposer une autre. Quand il dit binti al-kubra, ma fille aînée, est-ce qu'on peut comprendre une autre? que celle-ci? Non. On ne peut pas supposer que c'est une autre. On va supposer qu'il en a quatre. Et il dit Bintil Kubra, ma fille aînée. C'est forcément une des quatre la plus âgée. Est-ce que c'est compris? Donc dans ce cas-là, c'est valable. Un autre exemple, ils lui disent Awajtuka Bintil Sura, la plus petite. Est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable, parce qu'on ne peut pas supposer une autre. Mais là, il lui dit Zawajtuka Bintil Wusta, celle du milieu. Hein? Comment est-ce qu'on la surnomme, celle du milieu? Comment on surnomme la plus petite? Hein? Comment on surnomme la plus petite? J'entends mal. La plus petite, c'est la cadette? Je me souviens que j'ai eu 12 ou 14 au bac de français. Et à mes faibles, selon mes faibles connaissances, la cadette, c'est la médiane. C'est pas la plus petite ni la plus âgée. Mais peut-être que tu as raison, tu peux réviser. Tu peux regarder, me confirmer. J'aurais pensé que la cadette, c'est par exemple la seconde. Mais je suis sujet à l'erreur, donc j'attends ta confirmation, Inch'Allah. On la surnomme El-Mudallala, la fille gâtée. On la surnomme celle qui est gâtée. La plus petite, c'est celle qui est gâtée. Comment on surnomme la première? Et comment on surnomme la médiane? Non. Un chef nous éduquait dans ce sujet-là. Et il disait, il y a trois filles. La plus grande, celle du milieu et la plus petite. Laquelle il faut choisir? Laquelle il faut choisir? Hein? Celle du milieu? Les gens opteraient plutôt vers laquelle ou pour laquelle? La plus petite. D'accord? Il a dit la plus petite, c'est la fille gâtée. Pas choisir la plus petite. Est-ce qu'on choisit la plus âgée? Il a dit non. C'est la chef. C'est la amira. C'est celle qui a l'habitude de commander. Il a dit, choisis celle du milieu, c'est le mensiya, c'est l'oublié. Celle du milieu, c'est l'oublié. La première, c'est la reine. La dernière, c'est la figate. Et celle du milieu, elle est oubliée. Celle qui sera le meilleur. Qui sera la meilleure avec son époux. Il arrive. Et bien évidemment, ça n'est pas une règle. Bien évidemment, ça n'est pas une règle. Il se peut que la première soit la meilleure, que la dernière soit la meilleure, celle du milieu la meilleure. Mais retenez quand même cela. Donc, dans notre exemple, il y avait combien de filles? Quatre. Il lui dit, je te marie celle du milieu. Est-ce que c'est valable ou pas? El Kubra, on a dit que c'était valable. El Sughra, on a dit que c'était valable. Et celle du milieu, c'est valable ou pas? Ça n'est pas valable. Parce qu'on peut supposer que ce soit... On peut supposer que c'est la deuxième, comme on peut supposer que c'est la troisième. Donc elle n'a pas été spécifiée dans cet exemple-là. Dans quel cas ça serait valable? Celle du milieu. Dans le cas il a trois filles. Est-ce qu'il y a un mérite particulier à avoir trois filles? Est-ce que c'est bien d'avoir des filles en islam? Oui, c'est bien d'avoir des filles. Et d'en avoir trois, est-ce que c'est particulièrement... méritoire? Est-ce qu'il y a des mérites à en avoir trois ou pas? Particulièrement ce chiffre-là. Oui, quel est ce mérite-là? Ahsan, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui à qui Allah azza wa jal accorde trois fois, il les éduque, il les préserve et ainsi de suite, elles seront pour lui un rempart contre l'enfer. Allahu Akbar. Un rempart contre l'enfer. Alors qu'avant l'islam, d'avoir une fille, c'était bien ou pas? C'était une humiliation. Il détestait les filles. Il les assassinait à la naissance, ayyad al-billah, et les enterrait vivantes. Mais en islam, d'avoir une fille, c'est une grande richesse, c'est une noblesse, c'est un grand bien. Et on l'a même appelée comment cette fille? Allahu Akbar. Hiba. Qu'est-ce que veut dire Hiba? Un des noms d'Allah, Al-Wahhab, le grand donateur. C'est un don d'Allah. On a appelé la fille un don d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'avant l'islam, c'était quoi? C'était une calamité. C'était un malheur. C'était une source de soucis. Iyadan billah. C'est ainsi que l'islam a honoré cette fille. Qu'elle soit une mère, qu'elle soit une fille, qu'elle soit une tante, qu'elle soit une épouse, Allah Azza wa Jalla honore. Donc on retient cette condition sous toutes ses formes, c'est-à-dire spécifier la personne. On retient aussi la raison. Avant l'acceptation, il faut qu'il ait eu toute sa tête, qu'il ait eu la raison. On a mentionné dans le cas où ils seraient muets. Non. Donc, vous avez noté cette condition, spécifier la femme, afin qu'elle se distingue de tout autre. De tout autre. Un cas de figure qu'on n'a pas mentionné. S'il dit Zawajtuka binti fulana, et il la montre du doigt. Il lui dit Zawajtuka hadi, binti hadi. Il lui dit je te marie ma fille, celle-ci, et il la montre du doigt. Est-ce que c'est valable? Oui. Pourquoi c'est valable? Parce qu'on ne peut supposer une autre qu'elle. On ne peut supposer une autre qu'elle. Et ensuite, la fille part et le prétendant part. Naam. Imaginez qu'au jour du mariage, il lui amène une autre fille. Sur place, il lui dit celle-ci. Mais le grand jour, il lui amène une autre. Est-ce que c'est valable? C'est pas valable, et ça ne se passe pas, je pense. Ça n'est pas valable. Et cela, Allah alam, ne se produit pas. Et dans le cas contraire, ça ne serait pas valable. S'il lui dit, Zawajtuka binti, je te marie ma fille. Je te marie ma fille. Est-ce que c'est valable? Non? Qui a dit non? Non? Vous êtes tous d'accord, c'est pas valable. Toi qui poses les questions. S'il n'a qu'une seule fille, c'est bon. C'est bon pour qui? Celui qui veut la marier? Non. S'il en a qu'une, comme tu as dit, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut supposer autre qu'elle. Donc ça sera valable dans un cas. Ça sera valable s'il n'a qu'une seule fille. Il lui dit « Awesh Kukabinti ». C'est valable. Lui, il sait de qui il parle et il ne peut y avoir d'ambiguïté car il n'en a qu'une. J'ai un deuxième exemple où c'est valable. Alors qu'il n'en a pas qu'une. Tu poses la question, je réponds. Tu réponds? Je parle à ceux qui posent des questions. Si la première est déjà mariée, ensuite, tu as dit, et il ne lui reste qu'une seule fille qui n'est pas mariée. À ce moment-là, il n'y a pas de doute possible. Donc c'est valable. Comme il a dit. Hein? Dans le cas où le père a plusieurs filles, mais elles sont toutes mariées. Et il lui dit, Zawajtuka binti, et on sait qu'il n'y a que cette fille qui n'est pas mariée. Non, dans ce cas-là, c'est valable. Au final, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'a voulu le législateur à travers cette condition? Qu'il n'y ait aucune ambiguïté et qu'on désigne une fille en particularité. Tout simplement. Notez la deuxième condition. Rida tarafayn, rida zaoujayn, l'agrément de l'homme et de la femme. L'agrément de l'homme et de la femme. Donc on suppose que les deux ont leur raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tunkahu al-bikr hatta tusta'adhan wa la tunkahu al-ayya aw al-ayn hatta tu'mar. La tunkahu al-bikr hatta tusta'adhan wa la thayyib hatta tusta'mar. On ne marie pas la femme vierge si ce n'est en lui demandant son avis. Qui est la femme vierge? Celle qui n'a jamais été mariée. Elle dit que c'est celle qui n'a jamais été mariée. Et on ne marie pas celle qui a déjà été mariée. Donc, suite à un divorce, elle se remarie. Suite à un décès, elle se remarie. Elle taïf, celle qui a déjà connu le mariage. Elle aïe dans le hadith. Jusqu'à avoir son approbation. Alors les compagnons dit, « Ya Rasulallah, wa kaifa idhnuha ?» Comment avoir la permission de la femme Bikr, qui par définition est très pudique et a beaucoup de gêne à mentionner ces sujets-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idhnuha sukutuha » Sa permission est son silence. Sa permission est son silence. Ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Hurayra radhiyallahu anhu. Et l'imam al-Bukhari a intitulé un de ses chapitres. Et la compréhension des textes de l'imam al-Bukhari est mentionnée en ses intitulés. Bab la yunkahu al-ab al-bikr wa la thayyib illa bi ridahuma. Chapitre la yunkahu al-ab wa ghayruhu al-bikra wa thayyiba illa bi ridahuma. Ni le père ni autre que lui ne peut marier, ne peut contracter le mariage de la femme qui n'a jamais été mariée, ni celle ni de celle qui l'a déjà été, si ce n'est avec leur agrément. Donc ça, c'est un grand point en islam, c'est qu'on ne peut contraindre la femme au mariage, contrairement à ce qui était le cas avant l'islam. Est-ce que le père peut contraindre la fille à vendre un bien à elle? Est-ce qu'il peut la contraindre dans son argent, dans ses biens? Non, dans le cas étant, ce serait de l'injustice. S'il ne peut le faire pour de l'argent, pour 10 euros, que dire alors de sa personne, de son honneur? Sans aucun doute, ça a une importance bien plus importante et la situation est bien plus grave. Dans le cas où le père marie sa fille, sans son aval, sans son agrément ou sans sa connaissance. Quel est le jugement de ce mariage? On imagine une fille qui a 18 ans et le père la marie à un tel. Mais la fille n'a pas été consultée, on ne lui a pas proposé. Quel est le jugement de ce mariage? Est-ce qu'il est valable ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est valable ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il n'est pas valable. Vous êtes tous d'accord, il n'est pas valable. Elle a le choix. Dans ce cas-là, la décision revient à la fille. Dans ce cas-là, la décision revient à la fille. Si elle dit j'accepte, alors c'est valable. Dans le cas contraire, ça n'est pas valable. Donc c'est la fille ici qui va faire en sorte que le mariage soit valable ou caduque. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme a marié sa fille sans son consentement. Elle est partie se plaindre à Aïcha radiallahu anha ou au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fakhayyaraha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam lui a donné le choix et lui a dit, si tu veux, tu l'acceptes en tant qu'époux. Et si tu veux, ça sera caduque. Elle a dit, bel akbel. Elle a dit, non, j'accepte. Mais j'ai voulu faire entendre aux femmes qu'elles avaient le choix. J'ai voulu faire savoir aux femmes qu'elles avaient le choix dans cette religion. Donc ça, c'est la seconde condition. Est-ce qu'on peut contraindre un homme? Est-ce qu'on peut... Ma question est, est-ce que ce cas de figure est possible? C'est-à-dire contraindre un homme au mariage. Il se marie avec une femme, mais il ne le souhaite pas, contre son gré. C'est possible ou pas? Ça existe ou pas? Ça existe. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est permis? Non. Un homme pourrait se dire, comment est-ce qu'on peut me marier de force? Cet homme-là n'a pas grandi dans certaines tribus. Sinon, cette question ne lui traverserait même pas l'esprit. Chez certaines personnes dans certaines familles, avant même qu'il sache marier, avant même qu'il sache marcher, pardon, on lui a déjà... Tout est déjà organisé. On attend juste le jour. Hein? Lorsqu'un tel est né et qu'on a su que c'était un garçon, on a dit qu'un tel, on allait marier à une telle. Non. Subhanallah. Est-ce que c'est interdit pour les parents d'avoir telle ambition, d'avoir des souhaits, des envies? C'est pas interdit. Mais on doit avoir l'approbation de l'homme, on doit avoir l'approbation de la femme. Dans beaucoup de familles, lorsqu'un tel naît, on dit c'est pour une telle. Et personne ne peut la demander en mariage. Non. C'est une évidence que lorsqu'ils vont grandir, ils vont se marier. S'ils sont d'accord, dans le cas contraire, on n'a pas le droit de les contraindre. Et dans certaines familles, malheureusement, il y a une pression psychologique qui est observée sur la personne. Et on lui dit, soit tu épouses une telle, sa cousine en général, ou l'ami de la fille de l'ami de la famille, soit tu ne te marieras avec aucune autre fille. Est-ce que là, c'est un choix qu'on lui donne? Ça, c'est pas un choix. Là, il est contraint. Ou la mère lui dit, je ne te parlerai plus jamais. Ou le père lui dit, tu sors de la maison et tu nous parles plus jamais. Tu nous oublies. Tous ces genres de choses. Ceci, premièrement, est interdit. Ceci est interdit. D'accord. Dans le cas où la fille refuse le mariage, on lui propose un tel. Il est bien. Il a une bonne situation. Il est plus, il a un bon comportement. Il refuse. Est-ce qu'on a droit dans ce cas-là de la contraindre? Non. 2 ans plus tard, la même chose se reproduit. Et toutes les années, des prétendants qui sont bien, et elle refuse. Est-ce qu'on peut la contraindre au final? Non, on ne peut pas la contraindre. Mais il faudra la conseiller, parce que visiblement, elle ne sait pas où ils sont bien. Il faudra la conseiller, lui expliquer que c'est mauvais en islam de rester de nombreuses années ainsi sans mariage, sans mari. Naam. Barakallahu fikoum. Mais il ne faudra pas la contraindre au mariage. Il faudra l'orienter et la conseiller. Pareillement pour le jeune homme qui a la capacité, qui a des besoins, il faut l'encourager au mariage. Naam, mais ne pas faire comme certains. L'enfant dépasse la vingtaine. L'enfant se rapproche de la trentaine. Et depuis 10 ans, il parle de mariage à sa famille, lui dit bah, plus tard, finis ça. Lui, quand il finit ça, maintenant, achète la voiture, achète la maison, fais ça, travaille, finis les études, fais, subhanallah. Ses camarades sont mariés depuis longtemps et ont des enfants. Et lui, il est encore en attente de mariage et peut-être qu'il tombe dans les péchés à cause de vous, subhanallah. Non. Dans le cas où le père désigne une personne, et que cette personne décide de marier la fille à un tel, est-ce que c'est valable ou pas? Dans le cas où le père désigne une personne, est-ce que c'est valable ou pas? Awsa al-walid al-musi ilayhi بتزويج بنته فلان. Un père désigne un tel et lui dit, je te donne la responsabilité de marier ma fille. Est-ce que c'est valable ou pas? C'est valable? Parce qu'il lui a donné l'autorisation, il lui a donné la charge, la responsabilité. Non? C'est valable si c'est un mahram. Vous êtes d'accord? Un troisième avis? C'est valable si les deux sont d'accord. Qui sont les deux? De qui tu parles les deux? Comment? le mahram et celui qui va se marier. Qu'est-ce que tu entends par le mahram? Le mahram, ça peut être son frère, son père, son grand-père, celui qui désigne la personne. Ce n'est pas le terme adéquat. Dans ce cas-là, c'est valable si le père est vivant. Parce que c'est lui qui a autorité, c'est lui qui décide. Donc là, il a désigné une personne de se charger de cela, c'est valable. Une autre question. Il a chargé une personne, et plus tard le père décède. Alors celui qui avait été chargé par le père, un jour vient, et il marie la fille. Est-ce que c'est valable ou pas? Vous avez compris le cas de figure? Le père l'a désigné. Le père l'a désigné. Avant que ça ne se fasse, le père est décédé. Après le décès du père, cet homme qui a été désigné vient et marie la fille. Vous comprenez quand je dis il marie la fille? Pas il épouse la fille, il marie la fille, c'est-à-dire c'est lui qui se charge de marier la fille à un homme. Est-ce que c'est valable dans ce cas-là ou pas? Comme tu es sur un sans faute pour le moment, permets-moi d'interroger autre que toi de peur que tu te trompes. Tu me permets? Ou bien tu es sûr d'avoir la réponse? On n'est jamais sûr de rien? Ça, c'est une erreur. Fallait pas continuer. Je t'ai aidé pourtant. On n'est jamais sûr de rien? Allah dans surat Ibrahim nous dit, y a-t-il un doute sur Allah, le créateur des cieux et de la terre? On est sûr dans ce cas-là ou pas? On est sûr de l'existence d'Allah, on est sûr qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, on est sûr que l'islam est vérité, on est sûr que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, que... On dit, cette phrase-là n'est pas bonne, on n'est jamais sûr de rien. Non. Donc, qui a la réponse? Qui avait levé la main pour répondre? Vous vous souvenez de la réponse, de la question? Il a délégué, on va dire plutôt, il a chargé une personne de marier sa fille. Entre-temps, le père est décédé. Plus tard, il vient et il marie sa fille. Est-ce que c'est valable ou pas? Là, ça dépend pas. Dites-moi juste si c'est valable ou c'est pas valable. C'est pas valable pour toi? Quelle réponse? C'est valable? Tranche. Lourde responsabilité. Excellente réponse. Lourde responsabilité. Non. Chez Sahab, hein, tu posais la question. L'un d'entre eux te renvoyait à son frère, il disait, demande-lui, il est plus savant. Demande à lui. L'un venait, il posait la question à l'autre. Il l'envoyait un troisième, puis un quatrième. Et au final, il revenait au premier, subhanallah. Tous se renvoyaient là-bas. Parce qu'ils savaient que de répondre à une question en islam, c'est comme informer de la part d'Allah. C'est-à-dire, Yom al-Qiyamah, tu viens, tu prends la responsabilité chez Allah, que tu as transmis de la part d'Allah, que ça c'est halal, que ça c'est haram, que ça c'est bon, que ça c'est pas bon. Vous voyez la lourdeur de cette affaire, et répondre aux questions religieuses? Dans ce cas-là, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que la responsabilité qu'il lui a donnée, c'était le temps que la responsabilité était dans sa main à lui, au père. Tant qu'il était vivant, elle était dans la main de qui, cette responsabilité? Du père. Donc le père avait le droit de désigner un tel, n'est-ce pas? Au moment où il décède, la responsabilité, est-ce qu'elle passe dans la main du moussi ilay, de celui qui a été désigné? Non. À ce moment-là, elle passe dans la main de qui? Et c'est la suite du cours. Elle passe dans la main de qui la responsabilité? Qui répond? Elle passe dans la main de qui? Il y a un ordre très précis en islam. Le âme, l'oncle, le frère du père? Non. Le grand-père paternel. Vous êtes d'accord? T'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu y réponds, toi? Toi, tu penses que c'est le grand frère? prends ton temps et donne-nous une seule réponse. Le père est mort. On ne parle plus du père. Qui, à ce moment-là, a la responsabilité de marier la femme? Qui est plus en droit de la marier? C'est les frères? Non. Poursuivons le cours. Retenez juste que s'il délègue une personne, à partir du moment où elle décède, cela tombe. Parce que la responsabilité n'est plus dans sa main, elle n'a donc plus le pouvoir de désigner. Mais ça va revenir, comme Allah l'a légiféré, au maharim, dans un ordre défini en islam. Dans un ordre défini en islam. Savez-vous ce qui se passait dans la jahiliya? Savez-vous comment est-ce que ça se passait dans la jahiliya? Lorsque l'époux, par exemple, décédait, et qu'il laissait la femme veuve, savez-vous ce qui se passait? On héritait de cette femme-là. Ou bien le cousin prenait cette femme-là, elle devenait sa propriété. Mais l'islam a interdit tout cela. On a donné une période de viduité de 4 mois et 10 jours à la femme. Et après cela, elle peut se marier et elle... On sera dans l'obligation d'avoir son agrément pour la marier. Pour la marier. Et dans le Coran, dans sourate An-Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu, la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Ô vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré. Et dans l'explication dans Sahih al-Bukhari, dans la jahiliya, lorsqu'un époux décédait, son cousin, le fils de son oncle paternel, prenait cette femme, même contre son gré. Même contre son gré. Par contre, dans le cas, comme il est coutume chez nous, lorsqu'il y a le décès de l'époux, après la idda, le frère de l'époux demande la fille en mariage afin que elle reste dans la famille et afin que les enfants grandissent dans le foyer de qui? D'un étranger ou de leur oncle? De leur oncle. Donc sous le regard bienveillant de leur oncle. Non. Si la femme accepte, est-ce qu'il y a un problème à cette situation? Pas du tout. Et chez nous, c'est une coutume et c'est une bonne coutume. Ibn Athaymin pose une question, il dit dans le cas où on demande la femme qui n'a jamais été mariée et elle rit lorsqu'on lui demande, elle met sa tête dans ses mains et elle rit. Puis son père l'a mariée, est-ce que c'est valable ou non? Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dit le fait qu'elle rit, c'est un signe d'approbation. C'est un signe qu'elle accepte, qu'elle se réjouit de la demande. Mais ça c'est peut-être un niveau de pudeur qui peut être étranger à ceux qui n'ont pas goûté le délice de la foi. Comment est-ce qu'une femme pourrait avoir de la pudeur et ne pas s'exprimer dans des affaires aussi importantes? Non. Ces femmes-là qui ne côtoyaient aucunement les hommes et qui peut-être ne s'étaient jamais retrouvées dans une salle avec des hommes, leur arrive ce genre de grande gêne. Certaines même trébuchent en entrant dans la demeure de leur époux. Certains même en perdent les mots et la parole. La troisième condition du mariage notait Al-Wali. Le père musulman ou des gens du livre, de la femme, donc musulmane dans le premier cas, et des gens du livre dans le second cas. Dans sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jalla nous dit « Fankihuhunna bi'idhni ahlihin » Épousez-les avec la permission de leur famille, c'est-à-dire du wali. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La nikah illa bi-wali » Il n'y a pas de mariage si ce n'est avec un responsable, c'est-à-dire le père de la femme en général. C'est le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. حديث rapporté par Ahmed rahimahullah, Abu Daoud rahimahullah, Ibn Majah rahimahullah ta'ala. Et Ibn Majah est intitulé un de ces chapitres, Bab la nikah illa biwali. Chapitre, il n'y a pas de mariage si ce n'est avec le responsable de la femme. Donc la preuve dans le Coran, comme on l'a mentionné, dans la Sunna, comme on l'a mentionné. Également dans le Coran, on a le verset wa ankihu al-ayama minkum. Et mariez l'ayama parmi vous. C'est-à-dire zawijuhun, mariez-les. Donc il faut absolument un wali, le père de la femme en général. Il y a également le verset fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Et ne les empêchez pas de se marier. Ibn Athaymiyyah rahimahullah ta'ala dit ce verset est une preuve de l'obligation du wali. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas le pouvoir de l'empêcher, il n'y aurait pas eu de sagesse à mentionner cela. C'est la preuve que le wali a une parole. C'est la preuve que la parole du wali pèse. La ta'duluhunna et la tamna'uhunna. Et la sagesse de cela est qu'il va l'orienter, est qu'il va la préserver, est qu'il va assurer Mada. Il va s'assurer que le prétendant est bien, de bonne religion, de bon comportement. Car la femme peut succomber à ses sentiments, à ses penchants, en omettant d'accorder la plus haute importance à certains points, pourtant essentiels. À ce moment-là, le père va faire son travail. La femme, il se peut qu'elle ait une vision qui soit proche. Or, le père ici va avoir une vision très lointaine, il va regarder loin. Il va regarder le bien pour sa fille. Aussi, la femme peut être facilement trompée. Un homme pervers se présente et se fait passer pour un homme pieux, pour un homme sage, pour un homme riche, pour un homme qui est le patron de telle entreprise, et ainsi de suite. Non. Imaginez un homme qui arrive avec le plus beau kamis et qui arrive avec la dernière Audi. Non. Mais en vrai, c'est une location. Hein? En vrai, c'est une location. Et il vient avec avec une veste, et derrière, il y a le nom de telle grande société, de telle grande entreprise. Non. Et il met je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, c'est pas un pins, mais où il y a écrit son poste dans le travail, sa carte. D'accord? Et il a pris la carte de un tel, il l'accroche. Et allez, c'est un acteur. C'est un usurpateur d'identité. Il se présente, je suis le patron de telle entreprise, et Kada, et il dit peut-être même je connais le Coran, et je connais un tel. Beaucoup disent je connais l'imam Intel. Qui connaissent l'imam Intel, qui ne connaissent pas l'imam Intel. En quoi il est bon pour ta fille? C'est ça qu'il faut regarder, sa piété, son comportement. Qu'il connaisse Intel ou pas, ça ne va pas rendre ta fille heureuse. Subhanallah. Certains se font tromper, Masakin, je connais Intel. Naam. Par exemple, je connais Sudaïs. Tout le monde connaît Sudaïs, subhanallah. C'est l'imam du haram, Al-Makk. Hein? Où il connaît le Hudaïfi. On connaît tous le Hudaïfi. Mais le Hudaïfi, il connaît qui parmi nous? Hein? Il connaît qui parmi nous? L'enseignant ne connaît même pas le nom de tous ses élèves. Mais c'est très facile pour tous les élèves de retenir un seul nom. Il ne faut pas se laisser tromper par cela. Ou parce qu'il est venu avec telle voiture. Ou parce qu'il dit travailler dans tel endroit. Ou parce qu'il connaît telle personne. Non. Ben, le père, lui, il ne va pas se laisser tromper, bismillah, par ces choses. Lui, il doit regarder l'intérêt de sa fille. Peut-être que lui, il n'a pas beaucoup apprécié cet homme-là. Mais il sait que c'est un bien pour sa fille. Peut-être que lui, il voulait notre origine. Peut-être que lui, il voulait son neveu. Peut-être que. Mais là, il devra regarder l'intérêt de sa fille. C'est ça le rôle du wali. Préserver sa fille, orienter sa fille, protéger sa fille, accepter si c'est un bien pour sa fille, refuser si c'est un mal pour sa fille, même si elle pleure tous les jours. Hein? Et dit qu'elle ne mangera plus, et ainsi de suite. Naam, attends 2 jours, elle va manger, t'inquiète même pas. Naam. Donc, il doit regarder cette affaire avec le plus grand sérieux. Il s'agit d'un mariage, il s'agit de sa fille, de son sang, subhanallah. Certains savants ont conditionné que ce wali soit sur la droiture. Ibn Athaymin dit que ça n'est pas une condition. Mais la condition est qu'il soit sur la droiture dans notre affaire ici. C'est-à-dire dans le choix de l'époux, dans l'acceptation de l'époux, dans la préservation de sa fille. À partir de ce moment-là, c'est acceptable. Il dit dans le cas contraire, s'il fume, on ne l'aurait pas accepté. S'il rase sa barbe, on ne l'aurait pas accepté en tant que wali. Il dit au jour d'aujourd'hui, si on met ces conditions-là, moins de 10% des femmes pourraient se marier. Non. Parce que de se raser la barbe, c'est haram, parce que de fumer, c'est haram, et ainsi de suite. Donc, il faut absolument le wali. Et la femme doit être consciente de l'importance du wali. Et elle doit consulter son père. Et si elle a trop honte, elle doit parler avec sa mère, et sa mère, elle parlera avec son père, ou ses grandes sœurs et autres. Ainsi, elle ne sera pas trompée par le prétendant. Ainsi, on pourra se renseigner, non pas à la manière des femmes contemporaines. Qu'est-ce qu'elles font? C'est plus le père, c'est plus le frère, c'est plus... Non. C'est la femme elle-même qui gère son affaire. Elle fait la femme, elle fait l'homme, elle fait le wali, elle fait le témoin, elle fait la mariée. Subhanallah. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rédige 20 questions. Allahu alayhi, où est-ce qu'elles ont péché ces questions? Naam. Première question, kada. Deuxième question, kada. Troisième, certaines maintenant demandent même sur la nourriture. Est-ce qu'ils mangent bio? Ils mangent pas bio? Allahu akbar. Naam. Là, il y a des questions, mais Allahu Akbar. Allahu Akbar. J'ai honte de citer certaines questions. Naam. Un instant. Allah. Un frère m'a dernièrement consulté sur cela, c'est pour ça que j'ai cette base de données des plus étonnantes. Je ne l'ai pas cru, puis il m'a envoyé la preuve de ses dires. Des exemples de questions. Quel est le jugement de celui qui délaisse la prime? Quelles sont les preuves de telles questions religieuses? Là, c'est un examen pour avoir son diplôme. C'est pas pour choisir un époux. Qu'est-ce qu'il mange en général? Son rapport à l'écologie. Ne rigolez pas en vous moquant. On ne se moque pas des gens. Si je cite cela, c'est pour avertir que ceci n'aide en rien à trouver al-kouf, al-tayyib, l'époux qui sera bon pour elle, pour sa descendance. Et ce genre de questionnaire, n'importe qui peut être Omar ibn Khattab dans les réponses. N'importe qui peut être Ali radiallahu anhu. Mais ça n'est qu'après le mariage qu'elle verra la réalité. C'est faux ça, c'est faux. Elle, ce qu'elle fait, c'est faux. Lui, ce qu'il répond, c'est faux. C'est pas comme ça. Mais il vient au foyer. Il s'assoit avec son père ou son frère au Cana. Et ce qu'il est nécessaire de demander, c'est demander dans l'assise. Et il répond sincèrement et franchement. Au final, ils se font une idée. Lui, le père vient à la mosquée, il demande où il prie. Et il pose des questions à l'imam, il pose des questions aux gens dans le mesjid. Puis il va voir ses parents. Puis il demande comment il se comporte avec ses parents, comment il se comporte avec ses frères, comment il se comporte avec ses sœurs, comment il est avec les voisins, comment il est avec les personnes âgées. On demande sur des choses utiles. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est feignant? Mais de demander ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas. L'essentiel, est-ce que toi tu vas manger quand tu seras marié ou pas? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il se dépense? Est-ce qu'il est avare? Il ne l'est pas. Mais de poser ces questions, ça ne sert à rien dans le mariage, subhanallah. Non. Une a contaminé l'autre, une deuxième sœur a contaminé une troisième sœur, et ainsi de suite. Certaines même entrent. Moi, j'écoute Shir Intel. Si toi, t'écoutes Shir Intel, et les deux sont les l'Ahl Sunnah, alors c'est pas possible. Mais toi, on veut même pas t'écouter, toi, déjà. Naam. Nous, on écoute Chirantel et Chirantel. Et ils ont une divergence, et les deux sont menés à Ahl Sunnah. Si c'est un talib'im, il va chercher la vérité entre les deux. Si c'est pas un talib'im, il va pas entrer dans cette mas'ala. Il va revenir au plus grand savant. Bon, il voit qu'ils sont fiables et de confiance, il va prendre leur avis, il va délaisser cela, il va continuer son chemin. Mais toi, t'es pas un talib'im. Qu'est-ce que tu rentres dans ça? En quoi ça va affecter ton firash? Et ta vie conjugale? Mais une telle a entendu une telle a transmis une telle, et ça a donné 20 questions. Les questions d'or, ou les questions d'argent, ou les questions à l'eau. Allah Musta'an. Le père doit craindre Allah Azza wa Jal envers sa fille. Et il doit lui chercher un époux pieux et accepter un époux pieux. Dans la plupart des cas, il va accepter ou refuser. Mais dans certains cas, il est bon, il est sage, il est noble que lui aille proposer sa fille parce qu'il a trouvé une personne pieuse à la mosquée ou autre, où il a entendu parler d'une personne qui est bien. Il va la voir et il lui propose sa fille. Est-ce qu'il y a meilleur que Hafsa radiallahu anha, la fille d'Umar al-Khattab? Certainement pas. Pourtant, Omar a proposé Hafsa. Naam. La fille elle-même, elle entend parler de quelqu'un de bien et elle mentionne cela à ses proches. Est-ce qu'il y a une femme qui est meilleure que Khadija radiallahu anha, bint Khuwaylid? Certainement pas. Pourtant, elle s'est proposée au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ça n'est pas honteux, il n'y a pas de mal. Ce qui est honteux, c'est d'aller au haram. Quant à chercher le halal, on ne devra pas accuser la fille de mauvaises idées ou de mauvaises mœurs. Non, elle voit un homme pieux, elle se propose. Où est le problème? Elle dit à sa famille, j'ai entendu parler d'un tel. Où est le problème? Il n'y a aucun problème, aucune gêne à avoir dans cela. Elle cherche le halal, au contraire, c'est noble et c'est louable. Et elle concrétise et obéit au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a encouragé les jeunes à se marier. Si le wali cherche à vendre sa fille, littéralement, et l'offre au plus offrant, sans regarder la piété, ni la religiosité, ni le comportement, alors il aura trahi la amana, il aura trahi le dépôt, et il sera jugé chez Allah tabaraka wa ta'ala devant la gravité de son acte. Certains refusent des prétendants pieux, de bons comportements, puis vendent littéralement leur fille à des gens qui donnent des dots conséquentes, sans se soucier s'ils sont pieux ou s'ils ne le sont pas. Ha'oula, ces gens-là ont trahi le dépôt, ont trahi la responsabilité qu'Allah Azza wa Jal a mis dans leurs mains. Et on craint la menace qu'ils ne sentiront pas l'odeur du paradis, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la menace de ceux à qui on a confié la responsabilité et ils l'ont trahi. Celui également qui marie sa fille à un innovateur, c'est un kha'il, c'est un traître, il a trahi l'aman, c'est haram. Ou il marie sa fille à un fasiq, à un pervers, qui s'adonne à des actes illicites avec la femme, ou qui est un alcoolique, ou un drogué, ou un voleur connu pour sa perversion. C'est haram, il n'a pas le droit de la marier à un pervers. Naam. Les savants, arrivés à ce passage-là, mentionnent les conditions du wali. Les conditions du wali. La première condition est yakuna baligan, qu'il soit pubère. La deuxième condition, qu'il soit aqil, qu'il ait la raison. C'est ce qu'on appelle mukallaf. Donc s'il est trop petit, s'il n'a pas la raison, il ne peut être le wali. La troisième condition est dhukuriya, qu'il soit un homme, c'est-à-dire que la mère ne peut pas être le wali, une femme ne peut pas être le wali. La condition suivante est rushd fi hada al-bab fi al-aql, la droiture dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'il fait attention, qu'il est responsable, qu'il ne va pas la marier à n'importe qui ne va pas accepter celui qui est mauvais et qu'il ne va pas l'empêcher d'épouser celui qui est bon. Il doit être clairvoyant de ces règles-là. « Dans le cas où le père est décédé, c'est le grand-père. C'est le grand-père. Imaginez que le grand-père décède et qu'elle a un frère et que ce frère-là est 9 ans, il n'est pas plus bête, qu'il ne soit pas plus bête. Et quel est son oncle paternel qui lui est plus bête, lequel la mariera? C'est son oncle. C'est son oncle. Sachez que le wali, ça peut être que du côté du père. Par exemple, le frère de sa mère ne peut être le wali. Celui qui marie la fille pour son mariage, c'est forcément une personne parmi les proches du père et non pas de la mère. Donc c'est un homme, ne peut pas être une femme. Et cela dans, c'est pour le mariage, mais dans les autres domaines aussi, dans din ou de dunya. Sauf dans le cas où c'est un domaine de femmes et qu'il n'y a que des femmes, alors en islam, il n'y a aucun mal à ce que la responsable soit une femme. Il n'y a aucun mal à ce. Et le point principal dans ce domaine qu'il nous faut retenir, c'est que le père doit réellement tout faire pour préserver les intérêts de la fille. La condition suivante, c'est ittifaq ad-din, la, comment dire, la concordance de religion. C'est-à-dire que si la fille est musulmane, le père doit être musulman pour être son wali. C'est compris? Si la fille musulmane et que le père ne l'est pas, il ne sera pas son wali pour le mariage. Mais si la fille est chrétienne ou des gens du livre et que le père l'est également, est-ce qu'il pourra être son wali ou pas? On suppose qu'une femme chrétienne se marie avec un musulman. Qui sera le wali de cette femme chrétienne? On conditionne qu'elle soit chaste et qu'elle fasse partie des gens du livre pour qu'elle soit licite au mariage avec le musulman. Donc chaste, c'est pas une femme qui va avec les hommes. Et parmi les gens du livre, c'est-à-dire une juive ou une chrétienne, dans le cas où c'est une bouddhiste, si on dit ainsi ou autre, ça n'est, elle n'est pas licite aux musulmans en islam. La question, la fille est chrétienne, qui sera son wali? Qui va la marier? Il y a Abdullah qui souhaite épouser Cécile qui est chrétienne et chaste. Il y a deux témoins, il y a la dot. Abdullah est d'accord, Cécile est d'accord. Qui va marier ces gens-là, cette fille-là? Qui sera son wali? Hein? Qui est le wali? Le wali, c'est son père. Comme ils ont la même religion, c'est lui son wali. Est-ce que c'est compris? Comme ils ont la même religion, c'est lui son wali, et il n'y a pas de problème à cela. Donc ils disent, ittifaq ad-din, qu'ils aient la même religion. Il y a certaines exceptions dans lesquelles on n'entrera pas. Les savants disent que le fasiq, le pervers, qui ne prête pas attention à sa fille et qui ne veille pas à ses intérêts et qui la marierait même à un alcoolique, on lui retire la responsabilité et on la fait passer à son plus proche parent, son grand-père. Par contre, s'il a des péchés, mais que dans ce domaine-là, il est digne, à ce moment-là, c'est lui qui la mariera. Dans le cas où le wali fait le mariage mais qu'il ne respecte pas les règles dans le din, est-ce que l'homme peut consommer le mariage avec cette femme-là? Non, ils devront refaire le mariage, comme on dit en bon uniforme. Et seulement après cela, il pourra consommer le mariage. Une femme se convertit à l'islam et ses proches ne sont pas musulmans. Comment aura lieu le mariage? Qui la représente? Indaman. Ou le premier cas de figure, la femme se convertit. Naam. Elle se convertit à l'islam, elle entre en islam par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Un homme veut l'épouser. Qui sera le responsable de cette femme-là pour le mariage? Parce qu'on se rappelle que pour qu'il y ait le mariage, il faut le responsable, il faut l'agrément de l'homme, de la femme, il faut la dot, il faut les doter. Naam. Dans ce cas-là, qui est-ce qui va représenter la femme? C'est l'imam. Quelle est notre réponse? C'est le gouverneur. Vous êtes d'accord? Naam. Le père de l'homme. Le père de l'homme. C'est pas impossible, mais c'est pas dans ce cas de figure-là. Responsable en centre islamique. D'accord. Vous êtes partis tous loin. Un juge musulman. Premièrement, on regarde dans sa famille, parmi ses proches, qui est musulman. Si son frère est musulman, c'est son frère qui va l'avoir. Pourquoi on va aller voir l'imam? Donc ce sont les hommes musulmans de sa famille. Ce sont les hommes musulmans de sa famille. Peut-être que son père est musulman, s'il ne l'est pas, peut-être que son fils, peut-être que son neveu, et ainsi de suite. Dans le cas où il n'y a aucun homme parmi ses mahalim qui est musulman, qui la mariera? C'est le responsable des musulmans. C'est le gouverneur ou celui qui est désigné dans ce pays. Dans le cas où ça n'est pas un pays musulman, qu'il n'y a pas de responsable et qu'il n'y a pas de gouverneur musulman, à ce moment-là, Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, dit qu'elle revient à ceux qui ont autorité dans leur domaine dans ce pays. Comme le directeur du centre islamique de l'école. Comme l'imam, c'est lui qui a autorité. Donc, les responsables de centres islamiques ou les imams de mosquées, et non pas comme le font certains, il veut épouser une femme, il prend le premier venu comme ça, ses droits à cette femme ne sont pas préservés, comme ça elle est esselée, vu qu'elle est ignorante, elle ne connaît pas, il se dépêche de contracter un mariage faussé, et ensuite il se dépêche de consommer le mariage. Et le jour où il veut se débarrasser de cette femme-là, il n'y a ni témoin. Et lorsqu'on cherche le wali, c'est un ami à lui. Hein? La femme doit se valoriser, elle ne doit pas accepter cela. Et l'homme doit craindre Allah Azza wa Jalla et savoir qu'il trompe cette femme-là et abuse de son ignorance et de son insouciance par moment. Mais il aura à répondre de ses actions chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, si elle n'a pas de famille, mais elle a son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, qui est l'Ali al-Kabir. Donc retenez cela. Soit c'est le directeur du centre islamique, soit c'est l'imam de la mosquée. Soit c'est l'imam de la mosquée. Et l'imam de la mosquée ne devra pas pencher vers ses passions, ni de l'homme ni de la femme. Il devra être juste. S'il est mauvais, dit cet homme-là est mauvais, je ne le recommande pas. Et sur en scène, dit je la marie pas. Mais je lui conseille plutôt un tel qui est bien. Non. Donc ça, c'est une question qui est très souvent posée. Il faut retenir cela. La femme, retenez qu'elle ne peut être elle-même son wali. Et elle ne peut être le wali d'une autre femme. Elle ne peut pas être son propre wali. Et elle ne peut être le wali d'une autre femme. Il y a certains cas de force majeure. Il y en a fait, mais on peut imaginer des gens en voyage. Et il n'y a pas, elle n'a pas de mahal, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de centre islamique, et ainsi de suite. Et s'ils ne se marient pas dans l'immédiat, ils vont commettre la fornication. Ibn Athima, rahimahullah ta'ala, dit dans ce cas de force majeure-là, ils vont se marier même s'il manque le wali. Ils vont se marier, car c'est moins pire que de commettre la fornication. À ce moment-là, ils vont se marier ainsi, avec les témoins, et il n'y aura pas eu de réel wali. Ou peut-être même il n'y a personne. Puis les savants à ce moment-là ont divergé. Est-ce que c'est lui qui va la marier à lui ou est-ce que c'est elle qui va se marier à lui? Naam. Quoi qu'il en soit, il y a des cas extrêmes. Et sachez que cela est l'avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, même si les savants disent que, en temps normal, ça n'est pas l'avis qui est juste, car il n'est pas en adéquation avec les textes. La femme, elle ne peut pas se marier, yani dit, yani déroger à l'approbation du wali, de se marier de elle-même comme cela sans l'approbation du père. Dans ce cas-là, le mariage n'est pas valable. Mais Ibn Athaymiyyah dit dans des cas de force majeure, dans des cas extrêmement rares, alors ça aura lieu ainsi. Un point qui est très important, c'est Tartibu al-Awliya. Quel est l'ordre à respecter? Qui est le premier? C'est le père. D'accord? C'est le père. C'est le père qui est plus en droit de marier sa fille. En deuxième, c'est qui? Comment? Le grand-père? Non. L'oncle? Non. Le grand-père paternel? Non. Ahsan, al-Moussi ilay. Celui que le père désire. Celui que le père désire. Parce que là, c'est le droit de qui? C'est le droit du père. Donc le père peut désigner un tel de se charger de l'affaire. Maintenant, on va parler que des awliya, que des mahalim de la femme. C'est le père. D'accord? On avait cité en deuxième, wakil ul-ab, celui que le père aura désigné. Celui que le père aura délégué. D'accord. Ensuite, c'est qui? Jadduha, son grand-père. Lequel? Min Abiha, son grand-père. Du côté de qui? Du côté du père. Wa in ala. Même si ça saute le grand-père, le premier grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole des savants? C'est-à-dire, le père, ensuite le grand-père, ensuite l'arrière-grand-père, ensuite l'arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris? Avant de passer aux autres, on monte. S'il y en a encore des vivants, ils seront prioritaires. Ensuite, c'est qui? On a cité le père et le grand-père, du côté du père. Ensuite, c'est qui? Le fils de qui? Ahsant. Thumma ibnuha, le fils de la femme. Par exemple, si elle a un fils de 6 ans, n'est-ce pas qu'il est plus en droit de la marier? Vous êtes d'accord ou pas? Elle est divorcée ou bien elle est veuve? Mais elle a un fils de 6 ans. Donc c'est lui qui est plus en droit de la marier, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Non, parce qu'il n'est pas ton père. Donc, son fils. Ensuite, qui est plus en droit? Ensuite, les enfants de qui? Les fils plutôt de qui? De son père. D'accord, il y en a plusieurs. Donc lequel sera plus en droit? J'ai oublié, quand on dit ses enfants, ou bien ses fils, wa in nazal, c'est-à-dire son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, et ainsi de suite. Quand on dit le père, c'est le père, grand-père, ainsi de suite. Quand on dit fils, fils, petit-fils, et ainsi de suite. On peut supposer, chez ceux qui se marient. Ensuite, c'est qui? Soyez précis. Ensuite, qui est-ce? Après les fils de la femme, ses petits-fils et ses arrière-petits-fils, qui est plus en droit? Ses frères? Soyez précis. Un frère, c'est vaste. D'accord. Elle a 5 frères. Lequel des 5, par exemple? Elle a 5 frères. Qui remplit les conditions. Les 5 remplissent les conditions. Celle que elle aura choisie? Non. Son frère Germain. Ahouha el-Shakir. C'est son frère de même père et de même mère. Vous avez compris? Son frère qui a le même père qu'elle et la même mère qu'elle. Est-ce que c'est compris? Ahouha el-Shakir. Ahouha el-Shakir. S'il y en a plusieurs, on commence du plus âgé. On commence par le plus âgé. On commence par le plus âgé. Ensuite, pour gagner du temps, je vais les mentionner. Thumma akhuha min abiha, faqat. Ensuite, c'est son père, son frère qui a le même père qu'elle, mais pas la même mère. Ensuite, c'est son frère qui a le même père qu'elle, mais pas la même mère. Ensuite, leurs enfants. Ensuite, les fils de ses frères. Est-ce que c'est compris? Les fils de ses frères, c'est qui pour elle? Comment? Ses neveux. Les fils de son frère, de même père et même mère. Ensuite, fils de son frère, de même père et pas de même mère. Et s'il y en a plusieurs, on commence toujours du plus âgé. Est-ce qu'il y a son frère de même mère, mais pas de même père? Ses frères ne sortent pas de 3 catégories, n'est-ce pas? Soit c'est l'Ikhwa al-Ashirqa, soit c'est son frère, même père, même mère, soit c'est son frère, même père, pas même mère, soit c'est son frère, même mère, pas même père. On est d'accord sur ça ou pas? Il y a ces trois cas-là. On a cité même père, même mère. On a cité même père, d'accord. Est-ce qu'on cite même mère? Ah, sainte, non. Pourquoi? Parce que le wali est forcément du côté de qui? On a dit. Du père. Forcément du côté du père. Après ça, c'est qui? Ammuha, son oncle. Non. Son oncle. Les Abawai. Le frère de son père ayant le même père et la même mère que son père. Est-ce que c'est compris? El-Am, c'est qui? C'est le frère de son père. Le frère de son père, pareillement, soit il a le même père et la même mère que son père, soit il n'a que le même père que lui. Ces deux-là peuvent être le wali, n'est-ce pas? On va commencer par qui ici? Son oncle qui a le même père et la même mère que son père. D'accord. Ensuite, ثم العم لأب. Puis son oncle qui a le même père que son père, mais pas la même mère. Puis du plus proche au plus proche. Vous avez retenu? Donc quand le père décède, c'est qui? C'est celui qu'il a désigné, El Wakil. Ensuite, le grand-père. Grand-père comme ça? Wa in ala, même si c'est l'arrière-grand-père, ainsi de suite. Allez. Ensuite, on a dit le fils de qui? De la femme qui souhaite se marier. Wa in nazal, même si c'est plus bas, c'est-à-dire fils, petit-fils, et ainsi de suite. Naam. Ensuite, on a mentionné qui? Les enfants du père, c'est-à-dire ses frères à elle. On commence par qui? Même père, même mère. Son frère de même père et de même mère. Comment est-ce qu'on appelle cela en arabe? Al-akhu al-shaqiq. Al-akhu al-shaqiq. Ensuite, al-akh li-ab. Son frère qui a le même père qu'elle, mais pas la même mère. Ensuite, les fils de ce frère-là, puis les fils de l'autre. S'il y en a plusieurs, on commence toujours par le plus âgé. Et ainsi de suite. Donc, qu'en est-il du frère de sa mère? Est-ce qu'il peut la marier? Ou non? Non. Qu'en est-il du fils de sa tante? Qu'en est-il du fils de sa tante maternelle, par exemple? Est-ce qu'il peut la marier? Non. Qu'en est-il de son frère de même mère seulement? Est-ce qu'il peut la marier? Oui. Vous êtes d'accord avec lui? Non. Est-ce que toi qui as raison, c'est eux? C'est possible. Donc ils ont tous tort et toi tu as raison. Ça c'est possible, hein? Parce que le nombre n'est pas gage de vérité. Mais est-ce que c'est ce qu'on a étudié? Donc, du côté de la mère, ils peuvent être les responsables. C'est ce que tu viens de dire pourtant. Tu t'es trompé? Tu te corriges, ils ont raison et tu as tort. Jazakallah khair. C'est une noblesse de reconnaître sa faute et de dire j'ai tort. Mais il faut s'entraîner. Parce que la fitna peut arriver et tu peux être dans une situation où tu n'arrives même plus à dire je me suis trompé. Comme si on sous-entendait qu'on était donc des quoi? Des anges, des prophètes. Or que nous sommes que nous. Wallahu musta'an. Après tout cela, c'est le gouverneur, ou celui que le gouverneur désigne. Ça peut être le juge islamique, et ainsi de suite. Et on a expliqué, dans notre cas, comment est-ce que ça a lieu. On passe à une autre question religieuse, dans le cas où, et on s'arrêtera sur cela, où le père empêche sa fille de se marier injustement. Sans raison valable, il l'empêche de se marier. Par exemple, elle est employée, il veut bénéficier de son salaire. Ou il ne veut pas rester seul chez lui. D'accord? Que se passe-t-il dans ce cas? Un homme demande en mariage la femme, ou la jeune fille, ou la plus toute jeune, et il a une bonne religion, un bon comportement. Il a les moyens, mais le wali refuse. La femme patiente, 3 mois après un autre, il refuse. Et ainsi de suite. Il refuse tous les prétendants et l'empêche de se marier. Il s'avère qu'il l'empêche de se marier. Dans ce cas-là, le père est convoqué et conseillé. S'il ne se corrige pas, à ce moment-là, la responsabilité lui est retirée parce qu'il n'a pas honoré ce pour quoi on lui avait mis dans la main. Et elle passe à qui? Au plus proche pas, au grand-père. Et ainsi de suite. Si lui aussi, alors elle passe au suivant. Et ainsi de suite. S'il n'en reste plus, alors c'est le responsable des musulmans qui l'a marqué. C'est le responsable des musulmans qui Ibn Rathaymin dit le grand problème qu'il y a dans ce sujet-là, c'est la lâcheté des responsables. Je me permets de le dire car c'est lui qui l'a dit, rahimahullah. La lâcheté. L'un d'eux dit, je ne peux pas, sinon je vais entrer en conflit avec un tel, je ne peux pas tant qu'il est vivant, je ne peux pas. Même s'il est injuste et qu'il reconnaît qu'il est injuste, lui ne prend pas la responsabilité. Ils ont peur de la fitna. À ce moment-là, c'est le juge qui doit la marier. À ce moment-là, c'est le juge qui doit la marier. Et combien parmi les femmes âgées sont restées bloquées dans les foyers parce que les pères n'ont pas craint Allah Azza wa Jalla envers elles et les ont empêchées. Ibn Athaymiyyah raconte une histoire, l'histoire d'une femme qui était que les hommes, vers laquelle les hommes penchaient pour le mariage, la demande en mariage et ainsi de suite. Et le père refusait. Et un jour, elle était sur son lit de mort sans jamais avoir été mariée. Et elle a dit aux femmes qui étaient autour d'elle, transmettez le salam à mon père et informez-le qu'entre moi et lui, au Al-Qiyama, il y aura Allah parce qu'il m'a empêché de me marier. Ibn Athaymiyyah dit, cette parole est très lourde. Qu'est-ce qu'il va faire au Al-Qiyama? Hein? Celui qui empêche sa fille de se marier. Ibn Athaymiyyah dit, toi tu as des besoins et toi tu recherches le bonheur. De la même façon, cette femme-là a des besoins et elle recherche le bonheur. Et peut-être que la personne jeune a plus de besoins que le parent. Et dans le licite, on n'a pas la permission de leur empêcher cela. Sinon, comme a dit le prophète, illa taf'alu takun fitna fil ardi wa fasadun ghalib. Si vous ne le faites pas, si vous ne mariez pas les filles aux gens pieux, aux gens de bonne religiosité, bon comportement, il y aura le désordre sur la terre. Il y aura le désordre sur la terre. Ibn Athaymiyyah dit que les responsables doivent être courageux et doivent prendre leurs responsabilités, doivent craindre Allah Azza wa Jalla. Et il dit que beaucoup pensent aux besoins du ventre, mais ils oublient le besoin de la partie. Et il se peut que ce besoin-là soit plus important chez certaines personnes. Donc si on ne les marie pas, forcément ils tomberont dans des péchés graves ici. Mais dans le cas où le responsable refuse pour une cause légitime, alors personne après lui aura le droit de la marier derrière son dos. S'il y a une cause légitime, il a le droit. Par exemple, il a un problème dans son lit, ou il ne fait pas salat, ou il fait mal salat, ou il travaille dans le haram, ou c'est quelqu'un de violent, où il est connu pour insulter ses parents, où il est connu pour les turpitudes avec les femmes, et ainsi de suite. Mais dans le cas où il refuse une personne dans une société où la plupart des autres sont semblables à lui, alors là, ça n'est pas bon. Mais dans le cas où il refuse et la plupart des gens sont meilleurs que lui, alors il n'est pas blâmable. Il n'est pas blâmable. On s'arrête sur cela. On verra la semaine prochaine, inshallah ta'ala, le cas des proches qui marient la fille sans l'aval du père. Le cas des proches qui ont marié la fille alors que le père est vivant. Est-ce que le mariage est valable ou non? Dans le cas où le père est absent, est-ce qu'on peut marier la fille? On est obligé d'attendre son retour. S'il va revenir dans un long moment, si c'est proche, tous ces cas de figure, Inch'Allah, on les étudiera la semaine prochaine, ainsi que les caractéristiques de l'homme qu'il convient d'accepter. Non. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je n'omets pas de vous rappeler que demain sera Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce jour, et encourageait les compagnons à le jeûner. Il a annoncé la bonne nouvelle que celui qui le jeûne, Allah lui efface les péchés de l'année passée, c'est-à-dire les petits péchés. Donc on demande à Allah azza wa jalla aide et assistance afin qu'il nous permette de jeûner ce jour-là. Jeûnez-le et encouragez vos proches et vos connaissances à le faire. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.